Jacques Normand, les écrevisses. 1879. Fantaisie en vers, dite par Benoît Constant Coquelin, dit Coquelin aîné, de la Comédie française. À mon ami Constant Coquelin. 39 ans, fortune ronde, célibataire et bon garçon. Depuis qu'on m'avait mis au monde, j'habitais à Pont-à-Mousson. Jamais, de mes destins propices poursuivant le cours régulier, je n'avais mangé d'écrevisses en cabinet particulier. Fidèle à ma ville natale, je n'attachais que peu de prix au plaisir de la capitale. Je ne connaissais pas Paris. De ce foyer de tous les vices, je savais, détail familier, qu'on y mangeait des écrevisses en cabinet particulier. Avez-vous connu Véronique? Ma tante. Non, ça ne fait rien. Me trouvant son parent unique, quand elle mourut, j'eus son bien. Je dus, pour certains bénéfices, gagner Paris comme héritier. Et je songeais aux écrevisses en cabinet particulier. Cependant, réglant mes affaires, je refis vite mon paquet, car Paris ne me plaisait guère, et Pont-à-Mousson me manquait. J'allais partir, plein de délices, quand j'eus le désir singulier d'aller manger des écrevisses en cabinet particulier. C'était ma dernière soirée, quand, vers 6h moins le quart, heure à mon dîner consacré, je descendis au boulevard. De Brébant, lieu des plus propices, je gravis le large escalier et commandai des écrevisses en cabinet particulier. Nous avions un salon praline. Je dis « nous », car bien vous pensez que seul j'eus fait triste mine vis-à-vis de vie crustacée. Une enfant blonde aux cheveux lisses daignait m'avoir pour cavalier et partageait mes écrevisses en cabinet particulier. Que vous dirais-je? Elle était belle. Nos cœurs battaient à l'unisson. « Ah, si tu m'aimes, me dit-elle, ne va plus à Pont-à-Mousson. » Je dus céder à ses caprices. Le lendemain, pour varier, nous remangions des écrevisses en cabinet particulier. Dès lors, un tourbillon m'entraîne. Par l'engrenage, je suis pris. 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 6 mois, et je reste à Paris. Je glissais dans des précipices, cherchant en vain à m'enrayer. Il me fallait des écrevisses en cabinet particulier. Le tête-à-tête obligatoire, pas une fois ne fut banni. Mais, brune ou blonde, blanche ou noire, il se changeait à l'infini. Seul, président au sacrifice, le menu restait régulier. C'était toujours des écrevisses en cabinet particulier. Oh, ces femmes étaient divines! Des mains, des dents, un sans-façon, et des œillades assassines à troubler tout Pont-à-Mousson. J'aurais voulu que tu les visses, Saint-Antoine, sans sourciller, croquant leurs pattes d'écrevisses en cabinet particulier. Mais hélas, au bout d'une année, je vis, sans être encore lassé, qu'en ma course désordonnée, tout mon avoir était passé. Plus rien. Rentes et bénéfices, Véronique et mon mobilier, absorbés par les écrevisses en cabinet particulier. Mais je suis d'une rude étoffe, et, guéri par cette leçon, trop tard, hélas, en philosophe, je revins à Pont-à-Mousson. Pour expier mes anciens vices, j'y suis devenu marguillier. Ne mangez jamais d'écrevisses en cabinet particulier. Lu par Sabine, pour audiocité.net, sous la licence Art Libre.